بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى aujourd'hui c'est le cours 31 et la semaine dernière on était en train de terminer la parole sur le dernier pilier de la foi l'Iman بليوم الآخر la foi ou l'avant-dernier pilier de la foi qui est la foi au jour dernier. À travers les cours passés, on a pu voir que la foi au jour dernier, ra'ayna fi durus as-sabiqa anna al-iman bil yawm al-akhir yata'alla aw yatarattabu alayhi umur, que la foi au jour du jugement dernier, elle comprend plusieurs choses. Et on est en train de voir ces choses une par une. Qui peut me rappeler de ce dont on a parlé la semaine dernière? Alladhi yadhkiruna bima takallamna anhu fi al-usbu' as-sabiq. On a parlé du paradis et de l'enfer. D'accord? Et on a dit que le paradis et l'enfer, ils étaient créés. Ils étaient éternels, mu'addatan, abadiyatan. Le paradis et l'enfer sont créés, et le paradis et l'enfer sont éternels. Hal tafna al-janna aw tafna an-nar? Est-ce que l'enfer ou le paradis disparaîtra un jour? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Shafa'a. Allah barik. Takallamna 'an ash-shafa'a. On a parlé de al-shafa'a. Qu'est-ce que al-shafa'a? Ma hiya al-shafa'a? Abdel Karim. Anta. Non. C'est que Allah Azza wa Jal, il agrée une personne qui peut intercéder en faveur d'une autre personne, en sachant que pour que ces deux personnes-là soit des voies pour lui, et pour soit dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa première intercession, ça serait pour que le jugement il puisse commencer, ce qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il y a les autres intercessions. Là, dans ta réponse, il y a les détails de l'intercession et les conditions de l'intercession. شروط وتفصيل الشفاعة. لكن السؤال الأصلي الأول ما هي الشفاعة؟ La première question c'est qu'est-ce que l'intercession? La réponse c'est on la comprend avec tout ce qu'il a dit. Mais la réponse exacte c'est de dire سؤال الشافع الله دفع الضر عن المشفوع له أو جلب النفع له. C'est le fait de dire que un intercesseur demandera à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier pour quelqu'un d'autre qui le préserve d'un mal ou lui donne un bien. C'est ça qu'on appelle la shafa'a, l'intercession. Le jour du jugement dernier, la shafa'a va avoir lieu. L'intercession va avoir lieu. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois dans le Coran, il nous parle d'une shafa'a qui n'aura pas lieu. Et parfois, il nous dit que la shafa'a, l'intercession, aura lieu. Est-ce qu'il y a une contradiction dans le Coran? Hal Coran tanaqaz binafsi? Allah Azza wa Jal, ahyana yuthbitu shafa'a, wa ahyana yanfiha, wa la shafa'a. Fama tanfa'uhum shafa'a, ou fama tanfa'uhum شفاعة شافعين هنا ينفيها سبحانه وتعالى وأحيانا يثبتها يقول عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فماذا نقول des fois Allah nie l'intercession et d'autres fois Allah affirme qu'elle aura lieu. Qui peut répondre? Abdel Karim. Qu'ils seront intercessés pour avoir une intercession d'Allah Azzawajal, mais ils ne l'auront pas. Al-Kafirun, les mécréants, n'auront pas d'intercession. Pourquoi ils n'auront pas l'intercession? Ah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nie et nous dit que n'aura pas lieu l'intercession, il nous parle de l'intercession en faveur de ceux qui ont fait du shirk l'association ou du kufr la mécréance. Pour cela, il n'y aura pas d'intercession. Personne pourra demander pour eux qu'on les fasse sortir de l'enfer. Personne ne pourra demander pour eux qu'on les fasse sortir de l'enfer. Et c'est d'eux qu'Allah parle lorsqu'il dit وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Et ils ne sortiront pas de l'enfer. Pourquoi? Parce que personne ne pourra intercéder pour eux. D'autres fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous affirme qu'une intercession aura lieu يوم القيامة, le jour du jugement dernier. Dans celle-là, Allah nous parle de l'intercession dont vont bénéficier les gens qui n'ont adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala al-muwahidun, les monothéismes, ceux qui n'ont pas commis de shirk. Lorsqu'ils sont morts, ils n'ont pas commis de shirk, ou ils se sont repentis du shirk et ils sont morts sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-shafa'atu al-manfiyya hiya allati tutlabu min ghayrillah. والشفاعة التي أثبتها الله هي التي تطلب من الله. L'intercession niée par Allah est celle qui a été demandée à autre qu'Allah. Et celle qu'Allah a affirmée est celle qui a été demandée à Allah. Celui qui demande la shafa'a, l'intercession à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui la demanderait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou au wali, le pieux, Sidi Flan et Sidi Flan, le saint un tel et le saint un tel, ou celui qui la demande, al-malak min al-malaika, un ange parmi les anges, wa salih min al-salihin, ou un pieux parmi les pieux, etc. À partir du moment où il a demandé la shafa'a à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui-là, il n'y aura pas de shafa'a d'intercession le jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à autre qu'Allah ce qu'on ne peut demander qu'à Allah, qui est l'intercession, que seul Allah possède. Et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a blâmé ceux qui ont demandé l'intercession à autre qu'Allah. Qala ta'ala, fi kitabihi al-karim, afattakhadhu min dunillahi shufa'a. Ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs? C'est-à-dire, ont-ils demandé à autre qu'Allah l'intercession qu'on ne doit demander à Allah, qu'à Allah, car il est le seul à la posséder? Qul, أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ. Dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, dit au prophète alayhi salam de dire à ces gens là qui ont demandé à autre qu'Allah l'intercession, vous la demandez à ces gens là ou à ces divinités là même s'ils ne raisonnent pas et ne possèdent rien. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana lahum anna ha'ula la yamlikuna shay'an ولا يعقلون شيئا فكيف تطلبون منهم الشفاعة. Allah leur a dit, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, qu'ils soient prophètes, anges, pieux, saints, tombeaux et autres encore, ne raisonnent pas et ne possèdent rien, ni pour eux ni pour autres. Comment alors demander la shafa'a à autre qu'Allah? Ensuite Allah dit, قل لله الشفاعة جميعا أي لا تطلبوا منها أو لا تطلبوها إلا منه. Allah dit ensuite dans le verset qui suit dans sourate Az-Zumar, les groupes, dit l'intercession tout entière appartient à Allah. Allah قال جميعا فلا تسأل شيئا من الشفاعة من غير الله. Ne demande aucunement l'intercession ou une part de l'intercession à autre qu'Allah, parce que celui qui la demande à autre qu'Allah il rentre dans la parole d'Allah, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. L'intercession d'aucun intercesseur ne leur sera profitable, parce que l'on demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on l'a dit la semaine dernière que طلب الشفاعة هي الباب الأعظم الذي دخل منه من ينتسبون إلى الإسلام في الشرك بالله subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande porte de shirk dans laquelle est entré ou sont entrés ceux qui s'apparentent à l'islam, ceux qui disent qu'ils sont musulmans et croyants, ceux qui disent ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. le pire shirk ou le plus grand shirk qui est répandu dans les pays arabes, africains et pays musulmans de manière générale, c'est de demander l'intercession entre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mada fa'alou dhalik, pourquoi ils ont demandé la shafa'a, l'intercession entre qu'Allah? لأنهم قالوا نحن عندنا ذنوب كثيرة فلا نستطيع أن نتقرب إلى الله بأنفسنا فنطلب من غير الله أن يقربونا إلى الله لأنهم قريبون منه عز وجل وهم الأولياء الصالحون والأنبياء. Donc ils ont dit que la raison qui les a poussés à demander l'intercession autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils ont trop de péchés qui les ont rendus tellement sales qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alors, ils ont été invoqués ceux qui sont proches d'Allah, comme ils le prétendent, afin qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement la même shubha, ambiguïté, qu'avait le peuple de Quraysh, qui invoquait à l'époque du prophète alayhi wa sallam les statues et autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette ambiguïté et leur a répondu. Raddallahu ala shubhatihim. Qala ta'ala, walladhina attakhadhu min dunihi, ay min dunillah, awliya, yad'unahum min dunillah, yataqarrabuna ilayhi min dunillah, yaqulun, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ay qurba, inna allaha yahkumu baynahum fima hum fihi akhtalifun, inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à ces gens-là en leur disant, ceux qui ont pris des alliés en dehors de lui, en dehors d'Allah, ceux qui ont demandé à autre qu'Allah, ce qu'on ne doit demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et en premier lieu la shafa'a, l'intercession, disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Plus, nous ne les adorons, nous faisons cet acte, on leur demande cette chose-là simplement pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Donc ils ont dit, nous ne faisons pas de shirk. Là, nous shirk billah. Nous n'associons pas à Allah. Car en vérité, au résultat, ce qu'on demande, c'est à Allah. Mais à eux, on leur demande simplement de nous rapprocher à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, certes Allah jugera parmi eux sur ceux sur quoi ils ont divergé. Les savants du tafsir ont dit, c'est-à-dire, Allah jugera entre al-muhidun al-mushrikun, les monothéistes, et les associateurs, ceux qui ont demandé à autre qu'Allah, et ceux qui ont demandé à Allah, qui leur ont dit ne faites pas ça, Allah va juger entre eux le jour du jugement dernier pour montrer que ceux qui avaient raison sont ceux qui l'ont demandé qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah a dit, certes Allah nous dit, ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. فالله سبحانه وتعالى كفر من طلب من دون الله الشفاعة وغير الشفاعة مما لا يملكه إلا الله. الله سبحانه وتعالى a jugé de mécréant celui qui demande à autre qu'Allah ce qu'on ne doit demander qu'à Allah سبحانه وتعالى. Et aussi dans sourate Yunus, Allah a dit ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Allah dit dans ce verset, et ils adorent en dehors de lui, en dehors d'Allah, ce qui ne peut ni leur tirer profit ou ni leur amener nuisance, et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. يعني لا نعبدهم فقط نطلب منهم أن يقربونا إلى الله. والله سمى هذا العمل عبادة ويعبدون من دون الله وعبادة دون الله شرك. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré qu'ils ont voulu se défendre par cette ambiguïté et dire, on ne fait que de leur demander de nous rapprocher d'Allah, donc on ne demande pas autre qu'Allah en vérité. Mais Allah a appelé cet acte une adoration en disant, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur tirer profit. Et adorer autre qu'Allah, comment ça s'appelle? Shirk, association à Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا تبين هذا فلا بد أن يفهم المسلم أن الشفاعة لا ينتفع بها إلا من قامت فيه شروط بينها الله عز وجل في الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته. Si cela est clair, le musulman doit impérativement savoir que s'il veut que l'on intercède pour lui le jour du jugement dernier, que ce soit l'intercession du prophète alayhi wassalam ou l'intercession des pieux, il doit savoir qu'il doit absolument réunir des conditions. Et s'il ne réunit pas ces conditions, on n'intercédera pas pour lui. Et ces conditions, qui est-ce qui peut me les rappeler? Abdelkarim. Que les deux, la première chose. Que les deux soient muwahhidoun. Ça c'est la deuxième chose. Qu'ils soient musulmans, muwahhidoun. Ça c'est la deuxième chose, la chose. La première chose. Que la raison de la grève. Qu'Allah donne la permission. Exactement. Idhnallah. La première condition, c'est qu'Allah en donne la permission. D'accord? Personne ne pourra intercéder Yawm al-Qiyamah sans la permission d'Allah. Et ça te montre que le seul à posséder shafa'a, l'intercession est Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يَشْفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُمْ أَنْ يَشْفَعُوا. Allah, ils ne pourront en aucun cas intercéder auprès d'Allah sauf quand Allah, ou seulement après qu'Allah ne leur donne la permission. Et c'est le premier, la première condition. Et la deuxième condition, أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. Qu'Allah Azza wa Jal agrée l'intercesseur et celui pour qui on va intercéder. Donc, laisa kullu ahadin yashfa'u yawm al-qiyamah, wa innama alladhi radiya Allahu anhu wa huwa alladhi la ya'budu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'intercédera le jour du jugement dernier que ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. Ceux qu'Allah a acceptés auprès de lui. Ceux qui n'ont pas adoré autre qu'Allah, Azza wa Jal. En premier lieu, Al-Anbiya, les prophètes. Et ensuite, Al-Shuhada, les martyrs. Al-Salihun, Al-Siddiqun, les gens pieux, les gens véridiques. Tout cela, Allah leur permettra d'intercéder le jour du jugement dernier. Subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, donc la première c'est la permission, et la deuxième c'est qu'Allah soit satisfait de celui qui va intercéder et de celui pour qui on va intercéder. Quant à celui qui va intercéder, on vient de dire qui c'est: Al-Anbiya, Salihun, As-Siddiqun, Shuhada, les prophètes, les martyrs, les pieux, les véridiques. Et quant à ceux pour qui on va intercéder, Ashabul Kaba'ir min ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont commis des grands péchés et qui ne se sont pas repentis parmi les gens de la communauté du prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit ju'ilat shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Il dit dans un hadith, l'intercession m'a été accordée ou a été instaurée pour les grands pécheurs de ma communauté. L'intercession, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu permise pour les gens qui ont fait des grands péchés, qui ne se sont pas repentis. Car on sait que parmi les gens qui sont croyants et les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a qui entreront en enfer. Nas'Allah an-najata min an-nar, qu'Allah nous en préserve. Ces gens-là, ils paieront la dette qu'ils ont à cause de leurs péchés dans le feu, et ensuite on intercédera pour eux pour qu'ils en sortent. Et c'est pour eux que l'intercession a été instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'intercession n'aura lieu qu'après la permission d'Allah. Et que pour ceux pour qui Allah est satisfait. D'accord? Donc, celui qui aura le droit d'intercéder, par exemple, al-Shahid, celui qui m'a martyr yawm al-Qiyamah, il a le droit d'intercéder pour 70 personnes. Hal yakhtar حتى يعني من يشاء فإذا اختار أي أحد أذن الله له أن يشفع له. Celui qui va mourir martyr, il aura le droit d'intercéder pour 70 personnes. Est-ce qu'il viendra le jour du jugement dernier et il pourra choisir absolument qui il veut, et lorsqu'il choisira, Allah lui acceptera directement ou non? Il ne peut pas. Il ne pourra choisir que ceux qu'Allah a accepté. Il ne pourra choisir que ceux pour qui Allah est satisfait. C'est ceux qui n'ont pas commis de shirk billah azza wa jalla. Quand on dit que ce sont 10 personnes, c'est 70 personnes plus quoi? Non, 70. Donc, hada wa'ah. Walillah alhamd. Celui qui veut demander la shafa'a du prophète Mohammed, alayhi salam, comment il doit dire? نحن نعلم أن الملائكة تشفع الأنبياء يشفعون الصالحين يشفعون فكيف يكون صيغة طلب الشفاعة celui nous on croit que les anges vont intercéder de même les prophètes les pieux et autres comment alors on doit formuler la demande ici ونحن في الدنيا pendant que nous sommes dans ce bas monde comment on doit demander on demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que Voilà. On demande à Allah de nous donner cette shafa'a. Celui qui veut la shafa'a du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ne doit pas dire ya nabiyyana ishfa' lana. Bal yaqul ya rabba nabiyyina shafi' fina nabiyyaka Muhammadan alayhi salatu wassalam. Ya Allah, anta tamliku shafa'a, as'aluka shafa'atan nabiy alayhi salatu wassalam. يا رب جبريل يا رب الملائكة أسألك شفاعة الملائكة يا رب الصالحين أسألك أنت وحدك لا شريك لك شفاعة الصالحين أما أن يذهب إلى القبر وأن يذهب إلى فلان وعلان يسأله من دون الله هذا شرك بالله وبسبب هذا يحرم الله منه الشفاعة donc celui qui demande l'intercession que ce soit celle du prophète ou des pieux ou des martyrs et autres ne doit la demander qu'à Allah en disant Ô toi Allah, ô mon Seigneur, toi qui possèdes l'intercession, accorde-moi l'intercession du prophète, accorde-moi l'intercession des anges, accorde-moi l'intercession des pieux, et ne doit en aucun cas la demander aux prophètes anges pieux eux-mêmes. Il doit la demander qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a vu que l'intercession est de plusieurs sortes le jour du jugement dernier. Qui est-ce qui peut me rappeler la première? Awwalu naw'in min anwa' ash-shafa'a. La première, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour que le jugement commence. La première, هي التي تسمى بالشفاعة العظمى, celle qui est appelée la plus grande intercession. C'est celle dans laquelle le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam va intercéder auprès d'Allah pour lui demander de faire débuter le jugement. On sait que le jour va durer 50 000 ans et que le soleil va descendre tellement bas que les gens vont transpirer en fonction de leurs péchés, certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au rukba, jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à l'hiqwan, c'est-à-dire les hanches, d'autres jusqu'au turquwa, les clavicules, et d'autres, comme a dit le Nabi alayhi salam, yuljimuhum al-araq il-jama, vont être noyés, alaykum salam, par leur transpiration ou leur sueur. Ce jour-là, le prophète alayhi salam nous explique que les gens, lorsqu'ils vont voir que la situation est difficile et qu'il n'y a pas de solution et on ne peut plus s'en sortir, ils vont aller voir Adam alayhi salam pour lui dire « Oh Adam, Allah t'a créé, tu es le premier homme qu'Allah a créé de sa main. » Et ils vont commencer à lui parler jusqu'à lui demander « Demande à Allah d'intercéder pour que le jugement commence. Ne vois-tu pas la situation difficile dans laquelle on est ?» etc. Adam va les renvoyer vers Nuh. Ils vont faire de même à Nuh, qui va les renvoyer vers Ibrahim, qui va les renvoyer vers Moussa, qui va les renvoyer vers Isa, jusqu'à arriver au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Alors à ce moment-là, notre prophète, alayhi salatu wassalam, yasjudu tahta al-arsh, il va faire prosternation au-dessous du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, fayad'u Allah bima hamid la ya'rifuha inna Allah huwa alladhi yu'allimuha iyyaha. Il va invoquer Allah par des louanges qu'il ne connaissait pas quand il était dans ce bas monde. Allah va lui insuffler, va lui yulhimuhu Allah azza wa jal ad'iya du'a yad'u biha Allah azza jal wa huwa sajidun tahta al-arsh. Donc Allah va lui insuffler des invocations avec lesquelles il va demander à Allah pendant qu'il sera en prosternation au-dessus du trône d'Allah. Alors Allah lui dira à Muhammad, irfa' ra'sak, ô Muhammad, lève ta tête, wasal, tu'ta, demande, on te donnera, waqul yusma', et dis, ta parole est écoutée, washfa', tu shafa', et intercède, elle t'est accordée, c'est-à-dire l'intercession. Ce hadith, il s'appelle hadith al-shafa'a. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Anas ibn Malik, fi kitab al-tawhid, akhir kitab min kitab l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans Kitab al-Tawhid, le chapitre du Tawhid de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et c'est la première intercession. Cette intercession est pour tout le monde, c'est-à-dire pour que le jugement commence. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam la possède. Personne, pas même un prophète, ne pourra demander à Allah que le jugement commence yawm al-qiyam. La deuxième qu'on a vue, intercession. Paradis. L'intercession pour qu'on ouvre la porte du paradis. Ash-shafa'a fi istiftah bab al-jannah hatta yadkhula fihi aw fiha ahluha. Donc c'est l'intercession pour dans laquelle le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam demandera à Allah subhanahu wa ta'ala avant, juste devant la porte du paradis, qu'on ouvre la porte du paradis pour que les gens du paradis y entrent. Et également cette intercession, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aura. La yaqumu bihadhihi shafa'a ila nabiyyuna Muhammadun alayhi salatu wa sallam yadhhabu amam yaqifu amam bab al-jannah fayastaftihu fayaqulu lahu al-malak man ant fayaqulu lahu Muhammad fayukhbiruhu al-malak anna Allah azza wa jalla lam ya'dhan lahu illa an yaftaha li Muhammadin alayhi salatu wa sallam. Donc le prophète Mohammed arrivera devant la porte du paradis et demandera à ce qu'elle s'ouvre. L'ange qui se trouve derrière cette porte lui dira qui est-ce, et il répondra à Mohammed et cet ange lui répondra, on m'a ordonné de n'ouvrir à personne d'autre avant toi, ou de n'ouvrir à personne avant toi, et la porte s'ouvrira et les gens du paradis y entreront. Nas'alallah ta'ala nutrilana jami'an al-jannah, qu'Allah nous fasse tous entrer au paradis. الشفاعة الثالثة la troisième شفاعة قال رحمه الله الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. Donc la troisième type ou sorte, pardon, d'intercession que le Cheikh Hafiz al-Hakami رحمه الله a mentionné ici, c'est celle dans laquelle des gens qui mériteront l'enfer n'y entreront pas, parce que des gens qui vont intercéder pour eux vont faire du'a, vont demander à Allah pour eux, et Allah ne les fera pas entrer en enfer. وهذا النوع ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. Cette sorte a été mentionnée par Cheikh l'Islam ibn Taymi رحمه الله dans son livre ou dans son épître, dans lequel il parle de la croyance des gens de la Sunna. وتلميذه ابن القيم رحمه الله يقول بأن بهذه الشفاعة ليس عليها دليل. Son élève l'imam ibn al-Qayyim رحمه الله a dit que cette intercession n'a pas de preuve dans le Coran ou la Sunna. Dans son livre Hadi al-Arwah, le livre dans lequel il parle du paradis, qui a été traduit en français le paradis, dans ce livre-là, ibn al-Qayyim رحمه الله, quand il parle de cette شفاعة que son shir a mentionné, il dit, jusqu'à maintenant je n'ai trouvé aucune preuve dans le Coran ou dans la Sunna qui nous parle de cette shafa'a. C'est pour cela que certains savants qui ont expliqué l'aqidat al-wasitiyya, comme Cheikh Saleh al-Sheikh rahimahullah wa hafidhahullah, nous disent que cette shafa'a n'a pas de preuve dans le Coran ou dans la Sunna. Wallahu alam. La shafa'atu al-rabi'a fi man dakhalaha min ahli al-tawhidi an yakhruju minha فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. Donc la quatrième sorte d'intercession que le Cheikh Hafiz al-Hakami rahimahullah, qui est mort alors qu'il avait pas plus de 33 ans et qui était un très grand savant de l'islam et de la sunna, walillah alham, a dit que la quatrième sorte d'intercession ici est celle dans laquelle ceux qui sont morts monothéistes, qui n'ont pas associé Allah subhanahu wa ta'ala, entreront en enfer à cause de leurs grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis. Haoula yuwahhidun Allah la yushrikuna billah walakin indahum kaba'ir min kaba'ir adh-dhunub az-zina ar-riba al-kadhib an-namima al-qatl wa hakadha fa bisabab hadhihi al-kaba'ir wa hum lam yatubu minha yadkhuluna an-nar thumma yushfa'u lahum fa yakhrujuna min an-nar wa yakunu ma'aluhum ila al-jannah. Ces gens-là sont des gens du monothéisme. Ils n'ont pas associé Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont des grands péchés: consommation d'alcool, mensonge, médisance, calomnie, l'intérêt, fornication, désobéissance aux parents, abandon du paiement de la zakat et autres encore. Ces gens-là, ils ne se sont pas repentis de ces péchés. Allah va décider de ces gens-là le jour du jugement dernier. Certains vont gagner la miséricorde d'Allah et vont entrer au paradis. D'autres, par la justice d'Allah, vont payer leurs fautes en enfer. Ceux-là, on intercédera pour eux et ils en sortiront. Et dans cette shafa'a, on nous explique dans les hadiths que ces gens-là, on les fera sortir de l'enfer et ils seront brûlés et calcinés. Alors on les fera entrer dans un fleuve qui s'appelle le fleuve de la vie, pour qu'on leur redonne une nouvelle vie. Et lorsqu'ils entreront, ils en sortiront purs. Ils retrouveront une vie sans douleur et sans malheur. Alors, ils entreront au paradis. Et celle-là, elle est mentionnée dans le Coran ou dans les hadiths. الشفاعة الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. La cinquième intercession qu'il a mentionné ici, rahimahullah, c'est celle dans laquelle on intercédera en la faveur des gens du paradis pour qu'ils montent en degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit inna fil jannati mi'ata darajat. Il y a au paradis 100 degrés. Le hadith, il est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Donc il y a 100 degrés au paradis. Plus la personne a des bonnes actions, plus elle va être haute. Le plus haut degré, al-firdaws al-a'la. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا الفردوس الأعلى. كالله نفاس entrer dans ce degré. Mais ce degré, on ne peut pas l'atteindre en dormant. On ne peut pas l'atteindre si on ne fait pas des bonnes actions. Et si on n'apprend pas notre religion. Et si on n'essaye pas de s'améliorer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, on intercédera selon le dire de ce shir, de l'auteur ici, pour des gens du paradis, pour qu'ils montent en degré. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a également parlé de cette shafa'a, wa istashkala hadhihi shafa'a. Cette shafa'a, cette intercession, elle lui a posé problème. Elle lui a posé problème et il a cherché des preuves pour celle-là. Et, ala kulli hal, il n'y a pas de preuves claires quant à cette shafa'a. Hadhihi shafa'a laysa laha dalil sarih, bayyin. Il n'y a pas de preuves claires et tranchantes, explicite, qu'on va intercéder pour des gens du paradis pour qu'ils montent. Mais il y a des choses qui peuvent être des preuves. C'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah les a pris et a dit la'alla hadha dalil. Il a dit il se peut que ces choses-là ou ces hadiths-là sont des preuves. C'est des hadiths dans lesquels le prophète alayhi salam fi ba'd al-hadith yas'alu an-nabi alayhi salam Allah an yarfa'a ba'd as-sahaba darajatahu. Dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah pour certains de ses compagnons et demande à Allah d'élever leur degré dans les récompenses ou d'élever leur degré parmi les gens du paradis. Donc il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il se peut que cela soit un dalil. Lakin il qala qad yakun la'allahu. Il n'a pas dit que c'est akid, que c'est sûr. Fallahu a'lam. Ensuite le shir dit وهذه الثلاث وهي الشفاعة العظمى والشفاعة في استفتاح باب الجنة والشفاعة في القوم الذين أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها لكن رأينا أن ليس لها دليل والله أعلم. هذه الثلاث ليست خاصة بنبينا أو لا وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه هو المقدم فيها ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء ويقصد بهذا الشفاعة الرابعة والخامسة والثالثة طيب والملائكة والأولياء والأفراد الأفراد أولاد المسلمين يشفعون ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يعصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. Donc ici nous en a apporté cinq. La première, la grande intercession pour que le jugement commence. La deuxième, l'intercession pour qu'on ouvre la porte du paradis. La troisième, l'intercession pour des gens qui méritent l'enfer pour ne pas qu'ils y entrent. On vient de voir que l'imam Ibn Qayyim rahimahullah a dit qu'il n'a pas trouvé de preuve pour celle-là. La quatrième, l'intercession pour les gens qui n'ont pas associé à Allah, mais qui ont des grands péchés à cause desquels ils sont entrés au paradis, pour l'enfer, pour qu'ils en sortent. Et la cinquième, l'intercession pour qu'on élève les degrés au paradis de ceux qui entreront au paradis. Il dit, la troisième, quatrième et la cinquième ne sont pas que pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, elles sont pour lui en premier et après elles sont pour les autres. C'est-à-dire particulièrement celle dans laquelle les gens du tawhid, du monothéisme, vont entrer en enfer à cause de leur péché. Et ensuite, ils vont en sortir par l'intercession. Le premier intercédé, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après lui, vont intercéder les prophètes, les anges, les pieux et l'afrat. L'afrat, c'est-à-dire les enfants des musulmans, ceux qui meurent, تحت الذين يتوفاهم الله تحت سن البلوغ, ceux qui meurent avant l'âge de la puberté, les enfants des croyants. Tous ceux-là vont intercéder. Jusqu'à que l'intercession de tous ces gens-là soit terminé, il restera des gens en enfer qu'Allah fera sortir de l'enfer sans l'intercession de personne. Alors il ne restera plus aucun croyant en enfer. Il dit, la sixième sorte d'intercession, في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط أي يكفي يكفي وعزتك وينزوي بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل أي مزيد فينشئ الله خلقا فيسكن فضول الجنة. Donc la sixième intercession, elle est également que pour le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans cette intercession, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Allah d'alléger et de diminuer le châtiment d'une personne parmi les kuffars, que pour cette personne-là et que pour le prophète alayhi salatu wassalam, parmi les kuffars qui seront en enfer. Qui est cette personne? Son oncle Abu Talib. Et nous on sait que fi qissat wafat Abi Talib fi al-Bukhari, l'imam Bukhari nous rapporte dans l'histoire de la mort de l'oncle du prophète alayhi salam Abu Talib, que lorsqu'il était dans le lit de la mort, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu dans son lit et il y avait autour de lui des kuffars. Et le prophète lui a dit, ya am قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle j'argumenterai pour toi devant Allah. J'intercéderai pour toi devant Allah. فيقول له من حوله أترغب عن ملة عبد المطلب عبادة الأصنام. Les gens qui étaient autour de lui, de son oncle, lui ont dit, vas-tu délaisser la religion de tes ancêtres, de Abd al-Muttalib? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a redit, يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله تكون لي لك حجة عند الله دي لا إله إلا الله j'argumenterai pour toi devant Allah plusieurs fois jusqu'à ce que les derniers mots qu'il dit soient أموت على ملة عبد المطلب أو هو على ملة عبد المطلب. Donc il dit dans le hadith, dans le Bukhari, c'est rapporté comme ça, فقال هو على ملة عبد المطلب. Il a dit, il est sur la religion de Abd al-Muttalib et il est mort sur le shirk. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. Je vais implorer le pardon d'Allah pour toi tant que Allah ne me l'interdit pas. فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية. Et Allah a fait descendre le verset de sourate At-Tawbah dans laquelle Allah dit: il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants après lui d'implorer le pardon pour les associateurs, fussent-ils leurs proches. Même pour leurs proches, ils n'ont pas le droit de demander le pardon. Et ici, il y a une chose à tirer dans ce hadith, c'est que le rapporteur du hadith, الذي روى الحديث قال قال أي أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وهو في الحقيقة قال أنا على ملة عبد المطلب لكن الذي روى الحديث أراد أن ينزه نفسه عن كلام فيه شرك فقال هو هو على ملة عبد المطلب حتى لا يقول أنا على ملة عبد المطلب. Regardez la perfection du tawhid dans le cœur des pieux prédécesseurs. Le salaf qui a rapporté ce hadith dans le Bukhari, quand il a rapporté le hadith, il a dit, sa dernière parole a été, il reste sur la religion de Abd al-Muttalib. Alors que sa dernière parole à Abi Talib a été, je reste sur la dernière parole sur la religion de Abd al-Muttalib. Pourquoi alors il n'a pas dit exactement comme il l'a dit? Parce qu'il n'a pas voulu de sa langue, le rapporteur du hadith, dire, je reste sur la religion d'Abd al-Muttalib, car la religion d'Abd al-Muttalib c'est une religion de shirk. Il a voulu purifier sa langue de cette parole, il a dit huwa. C'est pour ça que c'est marqué huwa dans le hadith. Donc le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'Allah lui a accordé cette intercession dans laquelle il va demander à Allah de lui diminuer son châtiment, il est rapporté par Muslim. Il nous dit, l'enfer ne cessera de répondre ou de dire, y a-t-il un rajout? Y en a-t-il encore? À chaque fois qu'Allah fera entrer les gens de l'enfer en enfer, qu'Allah nous en préserve, sallallahu alayhi wa sallam, l'enfer dit, hal min mazid? Allah yaqulu laha hal imtala? Fataqulu hal min mazid? Allah lui dira, es-tu rempli? L'enfer répondra, y en a-t-il encore? Jusqu'à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, posera son pied sur l'enfer. ونحن نؤمن بجميع صفات الله على ما يليق بالله وقاعدتنا في قلوبنا أن نقول ليس كمثله شيء. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يضع حتى يضع رب العزة فيها قدمه نقول حتى يضع رب العزة فيها قدمه لا نزيد ولا ننقص. نقول هذا لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا نكيف ولا نسأل. Donc jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal pose son pied sur l'enfer. Et nous devons croire en toutes les informations qui viennent d'Allah et du prophète alayhi salatu wa salam concernant les attributs d'Allah, sans chercher le comment, du pourquoi et sans chercher à savoir. À partir du moment où elles sont une information du prophète qui ne parle que par la révélation d'Allah, on doit y croire et dire exactement ce qu'il a dit sans rajout ni diminution. Nous disons donc que l'enfer va dire, y en a-t-il encore? Y en a-t-il encore? Jusqu'à ce qu'Allah pose son pied sur l'enfer et l'enfer dira, ça me suffit, ça me suffit. Alors l'enfer se pliera. C'est les côtés de l'enfer se rassembleront, se plieront les uns sur les autres. Quant au paradis, il dit, et le reste et les gens du paradis entreront jusqu'à ce qu'il restera encore de la place au paradis. Allah va créer des gens dans le paradis pour combler cette place qu'il restera au paradis. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. Il y a de nombreux textes dans le Coran et dans la Sunna qui nous parlent des sortes d'intercessions. والإمام الشيخ مقبل رحمه الله, الشيخ مقبل, le savant du Yémen, le muhaddith, savant du hadith du Yémen, a un livre qui s'appelle Kitab al-Shafa'a, le livre de l'intercession, dans lequel il a rassemblé beaucoup de hadiths qui nous parlent de الشفاعه. السؤال السادس والثلاثون بعد المئة, question 136, après avoir parlé de l'intercession, et c'est une des dernières questions sur la foi au jour dernier. هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ est-ce que quelqu'un entrera au paradis ou sera préservé de l'enfer par ses actes? Qui est-ce qui peut me répondre à cette question? La ahad yadkhulu al-jannata bi'amali wa la ahad yanju min an-nar bi'amali hakadha. Personne n'entrera au paradis par ses actes. Et personne n'entrera en enfer, personne ne sera préservé de l'enfer par ses actes. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fil Qur'an antilkum wa nudu antilkumul jannata الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بعملكم. ماذا نقول؟ الله سبحانه وتعالى a dit aux gens du, il dira aux gens du paradis, entrez-y, entrez au paradis que nous vous avons fait hériter pour ce que vous avez fait, pour vos actes. Et vous m'avez tous dit ici que personne n'entrera au paradis par ses actes. ما هو الجواب؟ توفيق. لأن الله هو الذي وفق الناس على للعمل الذي صالح. طيب. هو نعمة من عند الله. الله الذي أنعم يعني أصحاب الجنة. أيوة. وأصحاب الأعمال الصالحة لهذا الأعمال حتى يدخلوا في الجنة يعني قبل في الجنة. طيب. هذا مذكور في الجواب. يعني ce que le frère a dit, c'est-à-dire que en fait, les actions des gens du paradis ne sont que le résultat de l'aide qu'Allah leur a donnée pour faire ces actes. Donc en vérité, le bienfait revient tout entier à Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Sofiane, il connaît notre réponse. Tu connais notre réponse? Ouais, très la même. Toi, tu me l'as dit. Non. Quand va? Donc, ces actions-là, en fait, c'est... ils attirent la, ils accordent. Donc après, donc les gens du paradis n'entreront pas au paradis par leurs actes, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha in al-insan la zalamun kafar. Il nous dit: si vous voulez compter les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez le faire, tellement les bienfaits d'Allah sont nombreux, on ne peut pas les dénombrer. Fa idha kunna la naqdiru ala addi ni'am Allah alayna la naqdiru ala shukriha bil a'mal. Si on ne peut pas dénombrer et savoir le nombre des bienfaits d'Allah sur nous, donc forcément on ne peut pas être assez reconnaissant par les actions. Donc nos actions, ce n'est pas nos actions ne vont pas nous faire entrer au paradis. Mais ce qui fait entrer au paradis, c'est la rahma d'Allah, la miséricorde d'Allah pour nous, la pitié qu'Allah aura pour nous, inshallah. D'accord? Mais cette rahma, on va la gagner avec nos actions. Quand on va faire des actions qui sont insuffisantes, Allah va avoir pitié de nous. Et par cette rahma et cette pitié, nous fera entrer au paradis. Et ici, on va lire la réponse que l'imam Cheikh a donnée, rahimahullah. Qala al-jawab, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qaribu wa saddidu wa alamu annahu lan yajjua ahadu minkum bi'amali. Qalu ya Rasulullah, wala ant. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. رواه البخاري ومسلم. Donc il nous a répondu en se suffisant de nous citer des hadiths. Et c'est la meilleure façon de faire quand on répond à une question. Et c'est le chemin que les savants ont suivi. Que dès qu'on leur pose une question, ils peuvent se passer de parler et ramener directement le verset, ou le hadith qui est clair et qui n'a pas besoin d'explication, eh bien ils font cela. C'est pour ça, quand on leur dit quel est le jugement de riba, quel est le jugement par exemple de l'intérêt dans l'islam, ils répondent directement: alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-mas. Ceux qui mangent l'intérêt ne se lèvent le jour du jugement dernier que comme celui qui s'est fait assommer par le shaytan se lève. Donc ils ne répondent pas et ne rajoutent pas de, et c'est la meilleure manière pour moins s'égarer et pour ne pas se tromper de dire directement qala Allah, qala Rasul alayhi salatu wa salam. Donc ici il a amené deux hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, œuvrez, yani faites des actions modérément et juste, et sachez que nul d'entre vous ne sera sauvé grâce à son œuvre. Les compagnons dirent, ô messager d'Allah, pas même toi? Il répondit, pas même moi, sauf si Allah me couvre d'une miséricorde de sa part et d'une grâce. Aussi le prophète alayhi salam leur dit, œuvrez modérément et justement, et réjouissez-vous, car l'œuvre de personne ne le fera entrer au paradis. Ils dirent, pas même toi, ô messager d'Allah? Il dit, pas même moi, sauf si Allah me couvre d'une miséricorde de sa part, et sachez que l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah est la plus durable, aussi peu soit-elle. Donc on vient de voir à travers ces deux hadiths la réponse à la question qui est, est-ce que les gens entreront au paradis ou seront préservés de l'enfer par leurs actes? La réponse est non. Ce n'est que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tes actes ne seront jamais suffisants pour payer ton entrée au paradis. Donc tu as besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette miséricorde, tu la gagnes par tes actes. Tu la gagnes par tes actes. السؤال السابع والثلاثون بعد المئة question 137 ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون question 137 c'est la dernière question qu'on va voir sur l'Iman بليوم الآخر la fois au jour dernier. Dans cette question il nous dit comment peut-on concilier ce hadith, le hadith qu'on vient de voir, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dira aux gens du paradis, et on leur proclamera, voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez, c'est-à-dire pour vos actes. Comment on fait le rassemblement? La réponse, al-jawab, la munafata baynahuma bihamdillah, fa innal ba'a al-muthbatata fil aya bima kuntum ta'amaloun, hiya al-ba'u sababiyya, li'an al-a'mal as-saliha sababun fi dukhulil jannah. لا يحصل إلا بها إذ المسبب وجوده بوجود سببه والمنفي في الحديث هي الباء الثمانية فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة Rabbi ghafir warham anta wa anta khayru rahimin. Amen. Donc la réponse du cheikh ici a été de dire, par la grâce d'Allah, par la louange d'Allah, il n'existe pas de contradiction entre les deux. En effet, pour le ba, c'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou lorsque le prophète sallallahu lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux gens, entrez au paradis pour ce que vous faisiez, lorsqu'il affirme qu'ils entreront au paradis à cause des actes qu'ils ont faits, ici la causalité, le ba, la lettre ba dans ce verset indique la causalité, car les bonnes œuvres sont une cause indispensable pour entrer au paradis, puisque l'effet, c'est-à-dire l'entrée au paradis, n'existe que par l'existence de sa cause. Ala kulli hal, ça rejoint à peu près ce que Tawfiq il a dit. C'est-à-dire que on ne peut entrer au paradis par nos actions. Mais on ne peut pas entrer au paradis si on ne fait pas d'action aussi. On va faire des actions qui vont nous faire gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actions, on les fait que parce qu'Allah nous a aidés à les faire. Donc au résultat, on entre au paradis que par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais continuer à lire la réponse du shir, mais la réponse de façon plus simple, c'est de dire tout simplement, on entre au paradis par la rahma, par la miséricorde. On gagne la miséricorde par nos actions, tout simplement. Tandis que ce qui est infirmé dans le hadith, c'est pour bi, dans le sens de prix. Donc quand dans le hadith, le prophète nous dit qu'on n'entrera pas au paradis par nos actions, c'est-à-dire que nos actions ne sont pas un prix suffisant pour payer l'entrée au paradis. Car même si le serviteur devait vivre aussi longtemps que ce bas monde, toute la durée de ce bas monde, en jeûnant la journée, en priant la nuit et en évitant tous les péchés, son œuvre ne vaudrait pas le plus petit bienfait apparent et caché d'Allah. Comment donc son œuvre serait-elle le prix pour entrer au paradis? Ensuite, il a mentionné le verset où Allah dit: Seigneur, pardonne et fais miséricorde, c'est toi le meilleur, le miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala, wa bihadha nakunu qad akmalna al-kalam 'ala al-iman bil yawm al-akhir. Et avec cette dernière parole, on vient de terminer le cinquième pilier de la foi en détail, qui est la foi au jour dernier. Et on a pu voir que le fait de croire au jour dernier, al-iman bi al-yawm al-akhir, yatarattabu alayhi umurun 'idda. Beaucoup de choses sont en relation avec la foi au jour dernier. Alaykoum salam. Walakin jumlatan, mais de manière générale, yajma'u thalathata umur. Al-iman bil yawm al-akhir, de manière générale, cette foi au jour dernier rassemble trois choses. Ibrahim, tu vas me les rappeler. La première, al-iman bil ba'th, la croyance qu'Allah va nous ressusciter à partir de la tombe. La deuxième, al-iman bil hisab, la croyance qu'Allah va nous juger. Et la troisième, ba'd al-hisab, al-jaza, al-jannah ou al-nar. Et la troisième, c'est la foi à la rétribution. La rétribution, ça sera soit le paradis ou l'enfer. Jumlatan, al-iman bil yawm al-akhir huwa hadha. De manière globale, la foi au jour dernier, c'est de dire croire qu'Allah va nous ressusciter à partir des tombes, qu'il va nous juger et qu'après on aura notre rétribution, soit le paradis ou l'enfer. Tafsilan huwa al-iman bi kulli ma yakunu ba'd al-maut. Et de manière détaillée, la foi au jour dernier consiste à croire à tout ce qui va arriver après la mort. Comme a mentionné cela l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans l'Aqidat al-Wasitiyyah. Donc, on a fini de parler sur la foi au jour dernier. Et maintenant, on va arriver au sixième et au dernier des piliers de la foi, qui est al-iman bi al-yawm, al-iman bi al-qadr, khayrihi wa sharrihi. Donc, avant d'entrer dans ce pilier-là, al-iman bi yawm al-qiyamah yurithu fil qalb umuran. وله فوائد في حياة المسلم لكل ركن من أركان الإيمان هذه يعني يجعل في قلوب المؤمنين فوائد في حياتهم. Sachez que chaque pilier parmi ces piliers de la foi met des fruits ou apporte ses fruits dans la vie et dans le cœur du croyant. Les fruits apporté par la croyance au jour dernier, qu'est-ce qui peut m'en apporter quelques-uns, comme ça en réfléchissant. Fawaid al-iman bil yawm al-akhir, Sofia. Par exemple, le fait de se préparer. Si nous on croit, parce que sachez que lorsqu'on apprend cette croyance, ce n'est que pour mieux œuvrer. Ce n'est que pour savoir pourquoi on fait des actes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas juste pour savoir que cette chose se divise en deux et celle-ci se divise en trois et celle-ci en quatre. Et la définition de cette chose est telle et telle définition. C'est pour arriver à un résultat. هذا العلم العلم بالعقيدة ينبغي أن يصل إلى القلوب وأن يورث أعمالا صالحة. Cette science-là, la science de la croyance, doit porter ses fruits dans la vie du croyant. Elle doit lui faire faire des bonnes actions. Elle doit lui apporter des bonnes actions. Donc, la croyance au jour dernier apporte un fruit, qui est, on doit se préparer pour ce jour-là, parce qu'on croit qu'on va être jugé et qu'on va rendre des comptes. Donc forcément, si on croit à ce jour-là, on doit se préparer. On doit se préparer. Qu'est-ce qui peut me rappeler Fawa'id, Thamarat al-Iman bil-Yawm al-Akhir, des fruits de la foi au jour dernier. Khalid. قل الله أعلم زادك الله علما توفيق المحاسبة النفس قبل يوم الحساب عندما نتكلم عن يوم الحساب الإنسان يحاسب نفسه ودخل في الاستعداد يعني هذا يدخل في الاستعداد في الاستعداد ولكن يقال le bilan de l'âme, le fait de regarder quels sont les actes qu'on a fait, est-ce que si on meurt comme ça et que demain on est jugé par Allah subhanahu wa ta'ala, comment on sera. Donc محاسبة النفس. Ismaïl. J'attendais celle-là. Le fait de rendre les droits aux gens à leurs ayants droit. Pendant qu'on le peut encore, si tu as fait de l'injustice à quelqu'un et qu'il est dans ta possibilité de réparer cette injustice ou de demander pardon à cette personne, tu dois le faire car tu crois au jour dernier. Tu crois que dans ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va faire quoi? On a parlé de ça dans un dars. Des choses qui vont avoir lieu le jour du jugement dernier. Hein? Tu l'as dit juste le mot avant. Avant Mouflis. Al-Qisas, le talion. Radd al-Huquq ila ashabiha. Le fait de rendre les droits le jour du jugement dernier à leurs ayants droit. Kadhalik. Aussi des fruits du jour de la foi au jour dernier. Adjabta, khalas. Il faut d'avoir la crainte et, hein, la crainte et l'espoir. Naam. Al-khawf min Allah Azza wa Jal ma'a raja rahmatillah subhanahu wa ta'ala la yanfakku ahadun anil akhar. Donc le fait de craindre Allah et en même temps d'espérer sa miséricorde, d'espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'un ne se sépare pas de l'autre. Celui qui a que la peur d'Allah ou que l'espoir d'Allah, de la miséricorde, il est égaré. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné qu'on doit avoir ces deux choses en même temps. Nakhaf min Allah wa narju rahmat Allah. Alaykum salam. On doit craindre le châtiment d'Allah et espérer sa miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Donc si on croit qu'on va être jugé, on sait qu'on a des péchés. Ces péchés doivent nous donner la peur d'Allah. Et on sait qu'on a des bonnes actions. Ces péchés doivent nous donner l'espoir en la miséricorde d'Allah pour le jour du jugement dernier. Quoi encore? Az-zuhd fi dunya, na'am. Amma ta'rifuka liz-zuhd annahu ikhraj ad-dunya min al-qalb laysa hadha. Az-zuhd fi dunya huwa tarku ma la yanfa'. Tarku ma la yanfa'. Wa kullu ma yanfa'uka fi hadhihi ad-dunya idha akhadhtahu لا تعتبر ممن لا يزهد من بيان ذلك نبينا داود عليه السلام كان من الأغنياء ومع ذلك كان من الزهاد. الزهد ليس تترك كل شيء. على كل حال, le fait de délaisser les choses de ce bas monde, l'ascétisme, d'accord, le fait de, quand on dit le fait de délaisser les choses de ce bas monde, on veut dire par là délaisser ce qui est inutile, mais il n'y a aucun mal à profiter des bienfaits d'Allah dans ce bas monde, subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah yuhibbu an yadhhara atharu ni'matihi ala 'abdihi, ou comme a dit alayhi salatu wassalam, Allah aime voir la trace de son bienfait sur son serviteur. Si Allah t'a donné de l'argent, il aime que tu t'habilles bien. Si Allah t'a donné des bienfaits, il aime les voir sur toi. Et cela en même temps ne veut pas dire que tu ne fais pas de zuhd, que tu ne délaisses pas cette dunya. Le prophète Daoud alayhi salam ou Suleyman, il y avait des prophètes qui étaient riches, qui faisaient partie des gens les plus riches. Et malgré cela, ils font partie des gens qui ont le plus le zuhd dans ce bas monde. Donc le zuhd, c'est le fait de délaisser ce qui était inutile. Quant à ce qui était utile, tu l'utilises dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana ba'adhu sahaba min al-aghniya. Certains des compagnons étaient riches et malgré ça, ils étaient les gens qui délaissaient le plus ce bas monde. Fazuhd antaj'ala ad-dunya fi yadik la fi qalbik. Az-zuhd, l'ascétisme consiste à mettre le bas monde dans ta main et en dessous de ton pied. Tu en fais ce que tu veux et pas dans ton cœur. Il fait de toi ce qu'il veut. Man yazid thamarat al-iman bil yawm al-akhir. عبد الكريم طلب الهدايه ها طلب الهدايه طلب الهدايه le fait de demander la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala التوبه هذا التوبه لكن le fait de se repentir à Allah Et la tawba, ça rentre dans muhasabatun nafs et ça rentre dans toutes ces choses-là. Le frère a dit, Tawfiq a dit, comme on croit au jour dernier, on s'y prépare en faisant d'abord les actes obligatoires et après les actes surérogatoires pour qu'Allah nous aime, subhanahu wa ta'ala. Mais ça, ça peut rentrer aussi dans l'isti'adat. Ça peut rentrer dans l'isti'adat que Sofiane a évoqué. Mais moi, j'en attends une. Vous faites le connaître son Seigneur ? Non. Ça rentre dans ça. Le fait de connaître Allah, d'apprendre à connaître Allah. Celle que j'attends, c'était de dire المظلوم ماذا نقول فيه نقول له اصبر هناك يوم اسمه يوم الحساب يؤدي الله إليك حقك لا تخاف اصبر فمن أعظم فوائد الإيمان باليوم الآخر أن المظلوم يصبر وإذا لما يعني كيف يصبر ما الذي يصبره إذا لم يؤمن باليوم الآخر ولذلك ينتحرون الكفار ينتحرون إذا ظلموا يقفز من نافلة والعياذ بالله لماذا ما عنده إيمان في القلب اليوم الآخر والمؤمن الذي عنده الإيمان باليوم الآخر يصبر ويجد حلاوة في قلبه donc la dernière chose qu'on va dire c'est que celui qui a été victime de quelconque injustice il va patienter parce qu'il croit qu'il y a un jour qu'on appelle le jour des comptes qui est le jour du jugement dernier et que dans ce jour-là Allah va lui rendre son droit qui lui a été pris injustement. Et c'est la raison pour laquelle les mécréants se suicident. C'est la raison pour laquelle ils se suicident. Et même parmi les musulmans, certains se suicident. Pourquoi ? Parce que leur foi au jour dernier est très très très faible. Très très très faible. Elle ne doit pas être faible, elle doit être ferme et forte. Si tu sais que tu rencontreras Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier, et que dans ce jour-là il y aura des comptes, et que tout le monde reprendra son droit qu'on lui a pris injustement, eh bien cela va t'emmener à patienter si tu es victime d'une injustice. Tu vas patienter car tu sais que ton injustice n'est pas oubliée par Allah. Et Allah nous a dit ça dans le Coran. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Et ne crois pas qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'à un jour où les regards seront figés. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَى Dans ce jour-là, les gens se précipiteront de répondre à l'appel de l'ange qui les appellera pour comparaître devant Allah. Et leurs yeux ne se fermeront même plus, tellement ils auront peur d'Allah et leurs cœurs seront vides. Ils ne seront préoccupés que par une chose, les comptes qu'ils auront à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui croit à ce jour-là et qui vraiment comprend cette chose-là, est-ce qu'il va se suicider? Est-ce qu'il va avaler des cachets ou sauter par la fenêtre? Donc voilà une des plus grands, un des plus grands résultats de la croyance au jour dernier. Et on va s'arrêter ici pour la foi au jour dernier et on reprendra le prochain cours. Comme samedi prochain je ne serai pas là, donc il n'y aura pas d'ars, et pendant Ramadan inshallah le samedi après l'Asr, est-ce que vous êtes prêts à venir le samedi après l'Asr pendant Ramadan ou bien vous êtes occupés? Si vous êtes tous occupés, on arrête pendant Ramadan et on reprend après Ramadan. Si vous voulez, on fait samedi après l'Asr. Celui qui veut samedi après l'Asr, il lève la main. On reprend samedi, pas prochain, mais dans 15 jours, Inch'Allah, après l'Asr, pendant Ramadan. Et sachez une chose, qu'il y a des frères ici qui habitent peut-être loin, dans des autres villes, peut-être qu'ils seront occupés. Walakin, al-amal salih fi Ramadan mudha'af. Mudha'af, la bonne action pendant Ramadan, est multipliée. Walaysa hunaka amalun aslah wa a'zam min ta'allum al-ilm. بعد الفرائض كما قال الإمام أحمد رحمه الله. Et sachez qu'il n'y a pas une action meilleure que d'étudier sa religion après les actes obligatoires. L'imam Ahmed rahimahullah a dit talab al-ilm sa'a afdalu 'indi min qiyam al-layl kulla. L'imam Ahmed a dit étudier la science une heure est meilleur pour moi que de prier toute la nuit. Limadha? Li'annahu bi talab al-'ilm sayanfa'u an-nas jami'an wa bi qiyam al-layl sayanfa'u nafsahu. Parce qu'en étudiant la science, il va profiter, il va être profitable pour les musulmans. Alors qu'en priant la nuit, il va être profitable que pour lui-même. Et en étudiant la science, il est profitable pour lui et pour tout le monde. فَعَلَى كُلِّ حَلْ Samedi après la Hassar, pendant Ramadan, Inch'Allah. وَاللَّهُ عَلَمْ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ